cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Déclamer d'hier à aujourd'hui. Écouter un enregistrement de la voix de Sarah Bernard provoque la surprise, mais parfois aussi la déception. C'est toujours émouvant d'entendre ces voix venues du passé. Mais quelles étaient-elles ? En 1876, Jean Écart, poète, romancier, mais surtout dramaturge, publie la chanson de l'enfant et il en dédicace un exemplaire à Sarah Bernard. Il écrit à Sarah Bernard, dont la voix est un chant de lyre, un chant de lyre. Mais quelles étaient ces voix du passé ? Étrange exploration dans les archives sonores. Nous évoquons ces voix du passé aujourd'hui dans le cours de l'histoire et la manière de déclamer. Dites-nous, Marie-Madeleine Mervanroux, mais comment peut-on avoir accès aux voix du passé, aux voix de la tragédienne, aux voix de l'acteur avant l'enregistrement? Parce qu'il y a quelques enregistrements, mais ils arrivent tardivement. Oui, c'est vrai. Et c'est une question que vous ne devriez pas me poser à moi, parce que je ne suis pas du tout spécialiste des voix, ni des tragédiennes, ni de la déclamation. Par contre, je connais un peu la question des archives sonores. Donc finalement, moi, je prends les choses à partir de 1870, c'est-à-dire à partir des premiers enregistrements. Et on va parler de Sarah Bernhardt. Elle s'est précipitée chez Edison dès 1880 pour se faire enregistrer. Mais avant cette période, je suis vraiment incompétente. L'incompétence est pas vraiment là, en vérité, Marie-Madeleine Mervanroux, parce que vous nous dites bien cet intérêt qu'il y a pour l'enregistrement de la voix, cette quête de la voix, d'avoir un enregistrement, une trace de ce qui a été laissé. Et d'ailleurs, Sarah Bernhardt, une anecdote est répétée sans cesse, est-elle vraie? Ça, c'est une autre question. Serait de savoir si elle a supporté d'entendre sa propre voix. Alors, nous entrons dans le domaine de la légende. Jusqu'à ces dernières années, 2007 exactement, nous, théâtrologues, nous ne nous sommes pas du tout occupés des archives sonores du théâtre, des archives audio. Nous courions le monde pour retrouver la photographie d'un spectacle, et puis l'audiovisuel quand il est arrivé, mais les archives sonores n'intéressaient personne, sauf quelques-unes, très rares, et en particulier les enregistrements de Sarah Bernhardt. Mais il n'y avait pas d'écoute méthodique, scientifique, raisonnable de ces archives. Les collègues les plus brillants en études théâtrales évoquaient ces archives en reproduisant en fait les légendes. Et la première légende, la plus importante, la plus répandue, c'est celle que vous venez de citer. Sarah Bernhardt se serait évanouie en 1903, après avoir écouté sa voix phonographiée. Alors, tant qu'on ne va pas regarder en historien les archives sonores de Sarah Bernhardt, on le croit. Et on le croit d'autant plus qu'on écoute cet enregistrement et qu'on se dit, oui, elle a dû s'évanouir de désespoir. Mais dès qu'on va chercher exactement dans les archives sonores, on se rend compte que cette légende est impossible. Elle n'est tout simplement pas possible. En 1903, Sarah Bernhardt avait 59 ans, et comme je vous l'ai déjà dit, dès 1880, elle avait été enregistrée par Edison. Et elle s'est bien évanouie, au cours d'une tournée aux États-Unis, qui a fait en plein hiver, volontairement, le chemin en train, une heure de train, pour aller chez Edison, dans la neige. Elle s'est évanouie, elle s'évanouissait souvent, mais avant l'enregistrement, pas du tout après. Et alors, j'avais apporté le texte où sa compagne, Marie Colombier, raconte sa visite chez Edison. Alors, Edison s'enregistre lui-même, danse une gigue, enfin c'est très gai, hein, très très amical, et Marie Colombier écrit... Quand on écoute Edison, on dirait la plaisanterie d'un ventriloque ou le boniment de guignol en colère. Puis, Sarah Bernhardt, qui ne veut pas être en reste, dit quelques mots de Phèdre. Phèdre parle à Œnone. Elle laisse tomber, dit-elle, ces mots de Phèdre. Hein, un tour de manivelle. Et voilà. Et le polichinelle qui est dans l'instrument de répéter l'apostrophe. Rien de plus étrange que cette contrefaçon de Sarah mécanique. 1880. Est-ce que ça la déçoit? En 93, puis en 96, elle se précipite toujours à New York chez Bettini, qui est celui qui a amélioré le phonographe avec une technique spéciale pour se faire enregistrer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que non seulement elle n'est pas désespérée, mais elle va se faire enregistrer toute sa vie jusqu'en 1918, dernier enregistrement. Bien justement, écoutons Sarah Bernhardt. Phèdre, ou de Racine, par Madame Sarah Bernhardt. Fais-moi, prince, fais-moi, dont les fils se courent, vous dites la grâce, enseignez les détours. Tout de soin, écoutez cette tête charmante. Ainsi, une fois assez, rassurez votre amante. Un compagne du péril qu'il vous fallait chercher. Moi-même, devant vous, j'aurais voulu marcher. Et perdre la virage avec vous descendu. Elle se serait avec vous retrouvée ou perdue. Marie-Madeleine Mervanroux, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS et justement, à l'écoute d'une archive, vous pensez peut-être déjà d'abord sur le support. Parce que nous parlons de la voix de Sarah Bernhardt, très bien, mais ce que nous venons d'entendre, c'est un support. Et la question se pose, elle parle drôlement vite, elle s'est accélérée. Oui, alors non, elle parlait vite devant la machine. En effet, la légende de Sarah Bernhardt s'évanouissant, se fonde sur l'idée que ce qu'on entendrait, c'est au fond la voix de la comédienne au théâtre. Mais jusqu'à très tard, la technique ne permet pas du tout d'enregistrer les comédiens au théâtre. C'est très tardif, c'est les années 20, les années 30, la radio. En 1903, ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est un des trois enregistrements en 1903. Elle a enregistré trois fois cette année-là, une fois pour Zonophone, sur disque, une fois chez Pathé, sur cylindre, et une autre fois sur disque, pour phonographe. Parce que tout le monde voulait sa voix. En 1903, pour enregistrer, on va dans ce qui n'est pas encore un studio, ça n'a pas encore de nom, c'est une petite pièce, naturellement sans public, avec un ingénieur du son qui ne s'appelait pas encore comme ça. On doit parler très fort dans un cornet. On doit surtout ne pas bouger, ni les jambes, ni les bras, ni la tête, de peur de se heurter au cornet et de rendre l'enregistrement nul. On ne refait pas de prise, ou très peu. Donc ce qu'on entend oblige, en l'occurrence la comédienne, à faire tout à fait autre chose que ce qu'elle fait sur scène. Donc depuis 1880, la voix n'est plus une voix de polichinelle. Les publicités disent que c'est fini, la voix nasillarde. Pour nous, c'est étrange, mais pour l'époque, c'est très fidèle. Fidèle. Les gens admirent. Sarah Bernhardt elle-même, si elle se fait enregistrer, c'est qu'elle trouve ça bien, ou à peu près bien. Elle sait qu'elle ne peut pas bouger. Elle sait qu'elle a 2 minutes. C'est le temps maximal du cylindre ou du disque. Quelques années après, elle aura 4 minutes. Donc, elle fait l'apprentissage de cette machine, comme elle a fait l'apprentissage de la photographie, et elle essaie, tel qu'on l'entend là, de composer pour ce média quelque chose qui est tout de même déclamatif. Dans un monde où les cylindres, c'est tout à fait autre chose. Le théâtre, c'est 2% des cylindres, très nombreux. Il y a des millions de cylindres qui sont fabriqués et vendus, un peu moins écoutés vraiment, en France, entre le début de l'enregistrement et 1914. Nous comprenons bien que la voix de Sarah Bernhardt enregistrée n'est pas l'actrice sur scène. C'est autre chose, c'est une posture particulière. Et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Julia Gros de Gasquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle et comédienne. Et justement, à l'écoute d'un son comme celui-ci, une archive, la question peut se poser, que nous apportent ces traces du passé, ces documents, pour la pratique théâtrale ? Alors, ce qui est intéressant quand on entend Sarah Bernard, comme on vient de l'entendre, c'est de voir la manière dont elle phrase le vers. Comment est-ce qu'elle met en valeur certains mots, vous, défendu ou perdu. Et donc, d'abord, comment est-ce qu'elle fait sonner le vers? Ça nous renseigne aussi sur une histoire de la diction de l'alexandrin. Et ça nous permet de comprendre ce que veut dire avoir un texte en bouche. Et est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce qu'on prononce les E muets des rimes féminines? Elle le fait. Parce que c'est la fin de la tirade, mais ça renseigne vraiment aussi sur la manière dont ces grandes comédiennes du passé ont incarné les rôles, là où elles mettaient de l'émotion, ce qu'elles entendaient par émotion. Et c'est précieux parce que même si, évidemment, il ne s'agit pas aujourd'hui de jouer comme ça, c'est intéressant de passer par, de faire ce détour par l'histoire, parce que ça nourrit le jeu d'aujourd'hui, et je crois qu'on gagne beaucoup sur un plateau à savoir ce que veut dire porter un texte, mâcher un texte. Mais avec Sarah Bernard, nous avons un cas, mais alors parmi les tout premiers, de voix d'acteurs, d'actrices enregistrées. C'est vraiment le tout début. Dans tout ce que vous nous dites, Julia Grosdegasquet, il y a la réflexion sur le avant dans votre travail d'historienne. C'est très bien, mais comment imagine-t-on Talma, Rachel, donc des gens d'avant l'enregistrement, comment pouvaient-ils parler ? Alors il faut remonter, c'est toujours difficile, vous le savez bien, en histoire de remonter, jusqu'où remonte-t-on ? En l'occurrence, moi je me suis arrêtée à un temps de l'histoire qui me semble à la fois matriciel pour notre théâtre d'aujourd'hui, c'est le XVIIe siècle. Et la question de la manière dont on a joué et dit le théâtre du XVIIe siècle, ça a été un point important et qui m'a demandé en fait de devenir historienne praticienne. Et c'est-à-dire que j'ai mis au service de mon travail d'historienne ce que je comprenais du plateau. Et à ce moment-là, c'était donc au début des années 2000, et j'ai rencontré des artistes, des praticiens qui, auprès de Jane Green notamment, mais Dean Barnett est un grand universitaire australien, avait ouvert le bal, si j'ose dire, dans les années 70, en posant la question des traités anciens et de la manière dont ces traités peuvent nourrir une histoire du jeu. Question que se sont posées bien avant nous les musiciens et les danseurs. Et ça n'a posé aucune question de retrouver dans les traités de danse des pas anciens et de renouveler ces pas, c'est-à-dire de les refaire. Donc, pour ce qui est de la question de la voix, jamais je pourrais vous dire, je vais déclamer comme la Champmeslé. Mais je peux passer par, il y a plusieurs, c'est la question des sources au fond que vous me posez. Et pour répondre aussi rapidement que possible, on a des sources incroyables, notamment dans les correspondances. On sait par Madame de Sévigné, par exemple, la manière dont la Champmeslé pouvait travailler dans Bajazé, ou comment est-ce qu'elle a reçu le travail des jeunes filles de Saint-Cyr, les demoiselles de Madame de Maintenon dans Esther. Donc, à l'écoute de ces textes-là, de ces sources-là, on peut les faire parler. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'oser y aller, c'est-à-dire d'oser se dire, bon, et maintenant, si nous essayons, ça a donné les très grands spectacles baroques des années 2000-2010, et j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Ah, il faut du spectacle vivant. Je vous propose d'ailleurs une mise en abîme, parce que vous nous dites que le XVIIe siècle est matriciel, et pour imaginer quelle était la diction au XVIIe siècle, nous pouvons faire un tour au XIXe. Eh oui, Cyrano de Bergerac. Dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, il y a l'imagination de ce que pouvait être une pièce de théâtre au XVIIe siècle. Heureux qui, loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire. Et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... Coquin ! Ne t'ai-je pas interdit pour un mois ? Regardez, c'est lui, Cyrano. Roi des pitres, hors de scène à l'instant. Mais... Tu récalcitres ? Faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules ? Oh ! Heureux qui l'ont... Sortez ! Heureux qui l'ont découvert Ah, je vais me fâcher. Venez à mon secours, messieurs. Mais jouez donc. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Assez. Que les marquis se taisent sur leur banc. Ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban. C'en est trop, Montfleury. Que Montfleury s'en aille. Ou bien je les sorille et le désentripaille. Mais il sort pourtant. Ce n'est pas encore fait. Daniel Sorano, qui est Cyrano de Bergerac dans la pièce d'Edmond Rostand. Donc à la fin du 19e siècle, Edmond Rostand se moque de la manière dont l'on pouvait déclamer au 17e siècle. En tout cas, comment il l'imaginait. Ça, c'est autre chose. Julia Gros de Gasquet, c'est intéressant de se dire qu'au 19e siècle, Edmond Rostand se moque de ce qui était la pratique antérieure. Mais oui, mais parce qu'Edmond Rostand, il a lu Molière. C'est-à-dire qu'il a lu l'Impromptu de Versailles et il sait déjà que Molière se moquait de Montfleury. Dans l'Impromptu de Versailles, il refait Montfleury entripaillé, justement, le gros roi de tragédie. Effectivement, la moquerie, en 1663, quand Molière écrit l'Impromptu de Versailles, on est dans une guerre des théâtres. C'est-à-dire que sa troupe, il essaie de défendre sa troupe au regard de l'autre grande troupe qui est la troupe des comédiens du roi, des comédiens, donc la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Donc on est dans ce jeu de rivalité qui explique la moquerie, mais je pense que ce serait faux d'imaginer, en fait ça renvoie à la question du naturel. Est-ce que Sarah Bernhardt en fait trop quand on l'entend parler dans le cylindre? La pauvre, elle fait ce qu'elle peut, coincée devant le Marie-Madeleine l'a très bien dit tout à l'heure, et bien sûr quand on entend Montfleury, c'est à charge, donc évidemment c'est ridicule. Et on va retrouver la même chose dans une scène du film de Mouchkine, Molière, quand Molière et la Duparc jouent devant le roi, que c'est une catastrophe parce que le roi, enfin c'est pas Nicomède, c'est Nicomèdre, disent justement les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne qui sont présents et qui se moquent. Et puis tout à coup, Molière joue une farce et là le roi rit. C'est aussi un peu une légende d'une certaine manière parce que au fond, au XVIIe siècle, Molière lui aussi déclamait. Oui. Mais dans sa manière de déclamer, il me semble, et quand on lit l'Impromptu de Versailles, c'est très intéressant de voir ça. En fait, dans sa manière de déclamer, il disait aux comédiens et à ses comédiens, déclamez en fonction du texte. Ne déclamez pas pour... Et c'est pour ça que là, elle est intéressante, l'archive de Daniel Sorano, d'abord parce que sa voix est merveilleuse, mais ça manque de bruit, si j'ose dire. Si on voulait être plus dans une archéologie du sonore, il faudrait que ce soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bruyant. Parce qu'en fait, les salles de théâtre au XVIIe siècle, mais ça n'arrête pas. Nous, on les imagine dans le noir, avec un public assis, mais pas du tout. Le public est debout. Il y a, depuis 1636, on sait qu'il y a du public sur scène, les fameux petits marquis. Donc en fait, ça remue, ça parle fort. Donc les comédiens, dans ce cadre-là, il faut bien aussi qu'ils poussent la voix. C'est pour ça que la question de la déclamation, elle est indissociable des conditions dans lesquelles le jeu se déroule. Ça fait aussi partie des choses. Et d'ailleurs, c'est la même question qui se pose pour les archives sonores. Oui, absolument. Évidemment, l'apport des praticiens pour discuter de ces sujets est essentiel. Alors, pour les archives sonores, il faut en écouter beaucoup. Pour arriver à entendre ce que nous avons entendu, mais il faudrait une très longue émission de radio. C'est là que se trouvent les archives sonores, en fait, à la radio, hein, très souvent. Mais vous les avez, vous les possédez, vous les avez en archive, mais vous pouvez les faire écouter, mais comment les faire vraiment entendre? Il faudrait imaginer une émission de radio, mais il faudrait que ça dure peut-être plusieurs heures. Entre la première écoute, celle qu'on a eue avec vous, les deux minutes, et puis ce qu'on pourrait obtenir à la suite de tout un processus, celui que j'avais avec mes étudiants dans les séminaires d'écoute d'archives sonores, en particulier de celle-ci que nous avons entendue. Sarah Bernhardt. Oui. Et alors, je vais citer deux noms, en fait. Ce que je sais sur ces archives, je le dois à Henri Chamoux, inventeur de l'archéophone, un instrument moderne qui permet d'écouter tous les cylindres et de les numériser, et qui a fait une thèse superbe, riche, qui n'est toujours pas publiée, et Mélissa Vindry, musicologue venue des États-Unis, qui a fait une thèse avec moi des... j'allais dire 1910-2010, toujours pas publié, et ce que je dis vient pour l'essentiel de leurs travaux. Et Henri Chamoux nous permet sur Phonobase d'écouter, je crois qu'il y a 1000, peut-être même plus, cylindres. Il faut en écouter beaucoup. Pourquoi? Il faut écouter les autres comédiennes qui disent aussi, pour mesurer l'écart entre Sarah Bernhardt et ce que font les autres, Suzanne Després, qui dit Phèdre aussi. Il faut écouter toutes les chansons comiques, les parodies de Sarah Bernhardt, il y en a eu beaucoup. Sarah au beurre noir. On dit qu'elle joue le saule, elle a été engagée spécialement pour jouer le saule dans la fable de La Fontaine. Le saule, on connaît son, elle est filiforme, hein. Et le roseau qui a joué le chêne, c'est Coquelin. Le saule, c'est Sarah Bernhardt. Où il y a des chansons qui se moquent de sa diction. Mais c'est l'envers de la formidable déclamation de Sarah Bernhardt. On est très près, en fait, entre Polichinelle et le monstre sacré. Les deux se joignent dans les cylindres. C'est très important ce mot de monstre sacré, Marie-Madeleine Mervanroux, parce que au moment d'écouter une archive, notre imaginaire est mobilisé. Oui. Faire écouter l'archive en disant « voilà, écoute », ou « c'est Sarah Bernhardt que tu vas entendre » ne provoque pas du tout la même émotion. En effet. Et une des conclusions que j'avais tirées de tous ces essais d'écoute avec beaucoup d'étudiants, c'est de suivre le conseil de Pierre Schaeffer et de commencer, si on le peut, si on ne sait pas du tout ce qu'on va entendre, par une écoute, disons, la plus réduite possible. Faire écouter sans que les gens sachent ce qu'ils entendent. Parce que dès qu'on sait ce qu'on entend, on a des attentes, et du coup, on a une écoute déjà dirigée. Et c'est dommage. L'écoute documentée vient après. D'abord, on écoute comme ça. Et ensuite, on documente. Ensuite, on documente. On documente notamment par les lectures, parce que, évidemment, Sarah Bernhardt a été décryptée, analysée. Et puis, nous avons des témoignages sur elle, notamment celui de Louis Jouvet. Sa voix semblait flotter autour d'elle et ses yeux semblaient la suivre parfois. Selon le texte, elle chantait, elle martelait, elle précipitait la cadence comme un galop qui roulait, montait, frappait, s'arrêtait dans un silence que crevait soudain un sanglot répété. Puis, une sorte de mélopée volontairement monotone qui se terminait dans un émoi d'une candeur infinie ou un éclat de rage, de révolte ou de souffrance qu'elle ne lâchait plus jusqu'au bout de la période. Jamais de raté dans ce crépitement de mots, de cris, de pleurs. Une fusée. Il s'agit bien de Louis Jouvet qui évoque Sarah Bernhardt. Ce sont des notes prises dans les années 1940, mais la voix était celle de Marc-Henri Boisse, excellent comédien lui aussi. Justement, Marie-Madeleine Mervanroux, dans cette mise en relation de l'archive sonore et du texte qui commente l'archive, nous avons un enrichissement, mais où il y a toujours une part d'émotion. Alors, l'émotion pour l'analyse est essentielle, il ne faut pas l'écarter. Oui, c'est vrai. Et je parlais de ces écoutes avec les étudiants, et en préparant cette émission, et je me souviens très bien des moments où, après ces premières écoutes, toujours déceptives, enfin, on n'entend rien. On n'entend rien, c'est comme, vous savez, le détail de Daniel Arras. On ne voit rien, on n'entend rien. Or, Sarah Bernhardt, dans ces 2 minutes, elle a pris un détail de Phèdre. Hein. Elle a pris quelques vers, pas n'importe lesquels, et il faut faire attention. Elle dit toujours les mêmes. Elle aurait pu, par exemple en 1903, varier. Elle connaît Phèdre par cœur, aucun problème pour elle. Or, elle prend toujours le même. C'est pas par paresse, c'était un monstre de travail. Non seulement un monstre sacré, mais tout le monde le dit. Elle travaillait tout le temps. Donc, elle aurait pu varier pour donner à Zonophone une chose originale par rapport à Pathé, etc. En star qu'elle était. Mais non. Pourquoi ? Parce que ça... Julia le travaillerait mieux que moi, mais elle a découpé, elle parle à Hippolyte, mais ça peut être un monologue, en fait. Parce qu'elle parle à Hippolyte, mais elle dit Hippolyte, comme si elle parlait d'un autre. Et donc, c'est bien, parce que c'est le cylindre, le disque à l'époque, c'est la forme du monologue, qui est à la mode, qui est une forme brève qu'elle réinvente. Et elle construit une petite dramaturgie sur ces 2 minutes, toujours la même. Et ensuite, elle fait des variations. À une époque où on allait au théâtre, beaucoup pour écouter des extraits, hein, on jouait très rarement Phèdre en entier. les gens venaient écouter l'extrait. Ils connaissaient très bien Phèdre, ceux qui étaient là. Ils le jouaient parfois en amateur, peut-être pas Phèdre, mais ils connaissaient. Et ils écoutaient comme de l'opéra, ils écoutaient les variations. Et elle travaille là-dessus. Et j'ai réécouté une émission de Jean-Noël Jeannonet sur Sarah Bernhardt en 2013. Et il a fait écouter une archive, ce n'était pas Louis Jouvet, c'était Dussane, donc qui avait écouté Sarah Bernhardt très âgée, et qui la décrivait. Et vous avez commencé l'émission avec une allusion à l'enfance. Et elle disait, c'était pas une voix d'or, comme disait Victor Hugo, Sarah Bernhardt, c'était une voix argentée. Elle concluait en disant, on avait surtout l'impression, même quand elle était âgée, d'entendre presque comme une voix d'enfant. Elle parlait de ressources féeriques. Et avec mes étudiants, on a eu parfois l'impression, à force d'écouter, de la comparer à d'autres actrices, d'entendre un peu ça. Mais Dussane avait su le dire et nous non. Quand vous évoquez Dussane, il s'agit de Béatrix Dussane. Encore là, évidemment, nous sommes avec une grande figure du monde du théâtre. Et vous savez que ça tombe bien puisque nous parlons de Jean-Noël Jeannonet. C'est un peu la concordance des temps entre nos émissions. Béatrix Dussane est avec nous. Au jour et aux lumières. Je continue, comme je vous l'avais dit dimanche dernier, je continue à essayer de vous parler un peu, à bâton rompu, de cette diction des vers quand il faut l'adapter à une action théâtrale. Les trois quarts du temps, la présence de le muet allonge la syllabe précédente. Si le mot couronne était écrit avec deux N et une apostrophe, ça ferait couronne, tout simplement. Il y a un muet, ça fait en diction poétique couronne. Si le mot diadème était écrit aussi avec un M apostrophe, ça ferait, comme je viens de le dire, diadème. Il y a un E, cela fait diadème. Pour ceux d'entre vous qui ont fait du solfège, je vais faire une comparaison. Au lieu d'avoir trois noirs, un diadème blanc, je suppose, eh bien, au lieu d'avoir ça fait même beaucoup plus de trois, un diadème blanc, nous avons un diadème blanc. C'est-à-dire que nous avons une noire pointée, une croche et une noire. Voyez-vous, diadème blanc. Diadème blanc. Béatrix Dussane qui s'exprimait en 1960. Dites-nous, Julia Gros-de-Gasquet, qu'est-ce que le parler chanté ? Le parler chanté, c'est une invention du 19e siècle, qu'ensuite on va retrouver dans le Sprechgesang au 20e siècle, bien sûr. Mais c'est cette invention de la fin du 19e siècle qui consiste à conseiller à la fois aux chanteurs de ne pas chanter, mais de parler, et aux comédiens de ne pas parler quand ils sont justement en diction poétique, comme le dit si joliment Béatrix Dussane, mais d'aller au-delà d'un ton de voix, d'un ton, alors le mot est problématique, mais ils ont d'une voix quotidienne, en faisant justement la part belle à toutes ces voyelles que, dans la voix quotidienne, on avale, en fait. Donc, le E muet, c'est la grande question. Mais il y a des polémiques entre Francisque Sarcey, l'oncle, le grand critique dramatique, et un journaliste, Ernest Psychary, au 19e siècle, sur cette question de la diction du E muet. C'est l'un des points où cristallise, justement, la question du parler-chanté. Et quand elle parle de diadème, mais on l'a au début de la tirade de Phèdre qu'on entendait tout à l'heure, dont on a en fait la fin quand elle est au labyrinthe. C'est pour ça que dans la dramaturgie dont parlait Marie-Madeleine, c'est le moment le plus important, parce qu'elle est, elle est elle-même dans le labyrinthe. Mais au début, elle commence en lui disant « Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. » Et il y a deux voyelles blanches. « Oui, prince, je languis, je brûle. » Donc, c'est vrai que l'addiction du vers réclame cette manière de dire, donc cette diction, mais qui n'est pas un dire quotidien. Parce que si on dit quotidiennement les choses, effectivement, on de toutes les façons, on n'est plus en alexandrin, on n'a plus les 12 syllabes. Oui, parce qu'il y a cet aspect-là qu'il faut évoquer, évidemment. Il y a un parler en vers, en alexandrin ou autre, et c'est très important aussi. Mais Julia Gourde-Gasquet, il y a cette formation nécessaire parce que ce n'est pas un parler évident, un parler chanté qui est inné. Enfin, pour certains, ça pourrait l'être, mais ce ne l'est pas vraiment. Oui, c'est la raison pour laquelle dans les écoles de théâtre, on travaille sur le vers, sur la respiration de la langue, et donc la question du dire de l'alexandrin, mais des autres vers aussi poétiques, est une vraie question, notamment pour les comédiens d'aujourd'hui qui, en fait, s'en préoccupent, contrairement à ce qu'on pense. Quand on travaille avec de jeunes comédiens et comédiennes dans les écoles, ils sont très intéressés par l'histoire de leur profession, c'est-à-dire l'histoire d'un métier. Et ça, c'est important parce que si on se dit « Ah, dire le vers ne va pas de soi », il faut l'apprendre, il faut être attentif et à l'écoute des voix anciennes. Ça, c'est ce que Jouvet ne cesse de dire. Hein. Il dit dans ses notes du conservatoire, il dit à tous ces jeunes comédiens des années 40, écoutez Sarah Bernhardt. Parce que pour lui, c'est une technique importante. Donc, quand on passe par la question du savoir-faire, du savoir-dire, je trouve que c'est intéressant pour les jeunes comédiens et comédiennes d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'ils semblent, eux, avoir compris. C'est qu'on dit bien au monde entier, vous voyez, jouer, c'est un métier. Jouer, cela s'apprend. On n'y va pas qu'avec nos émotions, notre instinct et hop, on se dit comédien. Non, on travaille. On s'inscrit aussi dans des lignées. On appartient à des lignées. Et j'ai un bonheur infini à entendre Béatrix Dussan parce que on sent bien à sa voix qu'elle a aussi la voix docte de quelqu'un qui, parce qu'elle est à la fois une très grande comédienne et une grande conférencière. Et on lui a jamais refusé les deux, d'être aussi bien capable de raconter une histoire du théâtre par les sociétaires, par la Comédie française, mais aussi de pouvoir jouer les grands rôles. Elle a joué Célimène, je crois, il faudrait que je me renseigne mieux sur ses emplois, mais... Mais justement, vous dites s'inscrire dans une lignée, c'est s'inscrire dans une histoire aussi. Et cette histoire, alors si l'on reprend cette expression, le parler-chanter, il est possible de mettre en place des jalons. C'est un mode de diction qui s'impose au XIXe siècle. Mais comment est-il perçu, comment est-il critiqué? Parce que vous nous l'avez dit, c'est pas du tout une évidence. Mais c'est pas du tout une évidence. Et au fond, la vraie question, c'est... Quel rapport entretient le théâtre avec la musique? Parce que la déclamation, c'est entre la parole et le chant. Et donc, les comédiens ont longtemps tenu cet endroit-là, médian, entre la parole et le chant. Et ça n'est que très récemment, et certains disent que c'est la séparation du théâtre du Conservatoire National de Théâtre du Conservatoire National de Musique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc récemment au XXe siècle, c'est cette séparation-là qui a créé une scission, et donc des modalités de diction très différentes. Mais quand les comédiens et les chanteurs travaillaient ensemble, il y avait justement un rapport au parler-chanter chez les uns et chez les autres qui s'enrichissait mutuellement. Puis il y a un aspect d'histoire sociale aussi qui est important parce que nous sommes dans le monde du théâtre et cette posture liée à la distinction fait qu'il est de bon ton pour une certaine catégorie de la population d'aller voir un certain type de spectacle, ce qui peut favoriser certaines formes de diction. Tout à fait. Et d'ailleurs, il paraît que aujourd'hui, certains abonnés de la Comédie française, alors pas dans les derniers mois où malheureusement nous avons vécu la pandémie et la fermeture des théâtres, mais certains abonnés peuvent se plaindre, écrire en disant nous n'entendons pas bien, la langue n'est pas assez tenue. Et la question de la tenue de la langue, c'est vrai que c'est un vrai curseur social et esthétique. Pour une certaine catégorie de public, on veut entendre bien et que la langue soit tenue, qu'il y ait une tenue dans la langue. Justement, Marie-Madeleine Mervan-Rouge, sur cette idée d'attente d'un public qui a besoin d'une certaine forme de diction. Oui, je ne sais pas quoi répondre d'emblée parce que je repense à mes cylindres. Qui ont permis d'entendre, par exemple Sarah Bernhardt, puisque c'est bien de se concentrer sur cet exemple qui est extrême et qui éclaire tout en fait, tellement il est extrême. Les cylindres ont permis à énormément de personnes, loin de Paris et de la Comédie française et des autres théâtres parisiens, c'est-à-dire la quasi-totalité de la France, d'entendre cette voix. Alors quelles attentes avait-il... C'est très difficile à dire. Je vais prendre une comparaison. Vous savez, aujourd'hui, il y a la voix du journaliste. J'ai du mal à la faire, mais c'est une voix un peu formatée que l'on apprend dans les écoles de journalistes. Il y avait aussi cela. Alors, une uniformisation de la manière de dire, parce que c'est cela qu'il fallait, qu'on attendait. Il y en avait une. Sarah Bernhardt connaissait... Elle n'avait pas eu une formation théâtrale très complète, mais elle en avait eu une. Et elle connaissait très bien les codes de déclamation de son temps. Et elle y échappait largement. Elle échappait aux attentes, y compris de ceux qui n'étaient pas étonnés par la déclamation. Il y a ceux qui étaient étonnés par elle parce qu'ils ne connaissaient absolument rien à ce type de théâtre. En général, on achetait le phonographe avec une série de cylindres. Ce qui rapportait de l'argent, c'était les cylindres, pas le phonographe. On donnait le phonographe et on faisait vendre les disques, les cylindres. Et dans ce qu'on avait, dans le lot, on avait beaucoup de musique, beaucoup de chansons, des poèmes, des monologues grotesques, parfois pornographiques, il y avait un peu de tout. Et puis, au milieu, ce 2% de théâtre et ce tout petit peu de Sarah Bernhardt. Et il fallait qu'elle impose en 2 minutes quelque chose qui était étrange. Elle se voulait étrange au milieu de tout cela. Et puis, il fallait pas se tromper, hein, parce que sinon, les dimanches en famille, si on se trompe entre le disque un petit peu érotique et Sarah Bernhardt, ce n'est pas du tout la même chose. Mais vous nous l'avez bien dit, Marie-Madeleine Mervan-Roux, il y a les archives sonores Sarah Bernhardt, bien sûr, mais qui ne sont valables, pour essayer de les comprendre, que dans une lecture plus générale des archives. Sarah Bernhardt, c'était Phèdre. Eh bien, nous retrouvons Phèdre, mais avec Maria Cazares. Que dis-je? Cet aveu que je te viens de faire, cet aveu si haut, te le crois-tu volontaire? Tremblante pour un fils que je n'osais trahir, je te venais prier de ne le point haïr. Faible projet d'un cœur trop plein de ce qu'il aime. Hélas, je ne t'ai pu parler que de toi-même. Et venge-toi! Punis-moi d'une odieuse amour! Digne fils du héros qui t'a donné le jour, délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite. La veuve de tes héros et mère Hippolyte! Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point t'échapper. Voilà mon cœur. C'est là que ta main doit frapper. Impatient déjà d'expier son offense au devant de ton bras, je sens qui s'avance. Frappe! Ou si tu le crois indigne de tes coups, si ta haine m'envie un supplice si doux, ou si d'un sang trop vil ta main serait trempée, au défaut de ton bras, prête-moi ton épée, donne ! Faites-vous, madame, juste Dieu ! Maria Cazares dans Phèdre, un enregistrement en 1958 au Théâtre National Populaire à Chaillot. Justement, quand nous entendons ici Maria Cazares, il y a deux choses. Il y a le frisson que nous ressentons, mais il peut y avoir aussi un regard très négatif en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ridicule, Julia Gros de Gasquet. » Il y a ces deux approches. Alors comment situer Maria Cazares dans cette histoire de la déclamation? Ce qui est beau, c'est son ridicule, justement. C'est totalement grotesque. Et quand on l'écoute, on se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et effectivement, plus personne ne voudrait aujourd'hui peut-être jouer comme ça. Mais ce qu'il faut voir en 1958, c'est que quand elle dit, ça c'est la dernière scène, donc c'est on est dans un autre endroit de la dramaturgie de Racine, et ce que je trouve très beau avec cette archive, c'est qu'on la voit jouer. Et qu'on comprend aussi, à travers sa voix, les gestes qu'elle fait, la manière dont elle tourne autour d'Hippolyte. On peut imaginer ça. Et dans l'histoire de la déclamation, ce que Maria Cazares nous indique, c'est qu'elle appartient précisément à cette lignée qui la rejoint en droite ligne, la Champmêlée, Sarah Bernhardt, Maria Cazares. Et quand je vous parlais de ces artistes, comédiens, comédiennes, qui depuis plusieurs années maintenant travaillent sur la déclamation, c'est précisément peut-être pour le besoin de s'inscrire dans une lignée. C'est-à-dire d'essayer de penser que ces vers sont tellement incroyablement inaudibles parce qu'ils nous viennent de loin, parce qu'on ne dit plus l'amour comme ça aujourd'hui, et que l'on a besoin de cet artifice au sens non pas négatif, mais de cette chose anaturels, mais qui les porte et les rendant étranges, leur rend une bizarrerie qui fait qu'on est à l'écoute. Et nous sommes justement à l'écoute aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, déclamé d'hier à aujourd'hui, Marie-Madeleine Mervanroux, Maria Cazares. Il y a cette relation, cette longue lignée. Alors comment, avec vos étudiants, quand vous travaillez sur ces archives sonores, percevez-vous les réactions ? Sarah Bernard, il y a la qualité de l'archive qui est particulière, mais archive très ancienne. Maria Cazares, c'est une autre forme d'archive, mais là encore, il y a une étrangeté. Oui. Il y a une étrangeté voulue par ces très grands acteurs qui incarnent l'étrangeté du théâtre, qui est fondamentale. Au théâtre, on est ailleurs, et c'est la force de cet art. Et pour la comprendre plus précisément de façon historienne, on en parlait tout à l'heure, il est très important d'avoir des témoignages de spectateurs. Alors il y a les critiques et les grands critiques qui arrivent à décrire, à dire quelque chose. On a entendu Jouvet, c'est pas un critique, c'est un artiste. On a entendu Dussan qui arrive à trouver des mots. Et dans le travail que nous faisons, nous avons une collègue, Hélène Bouvier, à retrouver des spectateurs des premières années du TNP qui se souviennent, 50 ans après, de ce qu'ils ont vu et entendu, et qui en témoignent. En particulier, nous avons eu beaucoup de témoignages, nous allons citer un homme exceptionnellement au milieu de toutes ces femmes tragédiennes, Gérard Philippe, dont la voix est aujourd'hui très datée, et dont on sait qu'il a eu qu'il a produit un effet formidable, magnifique sur les spectateurs et les spectatrices. Et nous avons besoin de témoignages pour comprendre ce qui se passait dans les salles. Marie-Madeleine Mervanroux, je ne peux pas vous laisser citer Gérard Philippe sans entendre Gérard Philippe. Nous partîmes 500, mais par un grand renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. J'en cache les deux tiers aussitôt qu'arrivés dans le fond des vaisseaux, qui lors furent trouvés. Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience, autour de moi demeure, se couche contre terre, et sans faire aucun bruit, passe une bonne part d'une si belle nuit. Par mon commandement, la garde en fait de même, et se tenant cachée, aide à mon stratagème. Et je feins hardiment d'avoir reçu de vous l'ordre qu'on me voit suivre et que je donne à tous. Gérard Philippe dans le Cid, un enregistrement en 1955 au Théâtre National Populaire. Julia Gros-de-Gasquet, il y a une seconde, Marie-Madeleine Mervanroux, quand... Elle évoquait Gérard Philippe, je parle bas pour pas que vous m'entendiez, il y avait des étoiles dans les yeux. Mais il y a de ça aussi, même avec Sarah Bernard, nous avons des personnages qui, dans l'image qu'ils ont livrée, sont incroyables, parfois dans l'exubérance ou, pour Gérard Philippe, dans un charisme redoutable. Tout se mêle aussi dans cette voix. Il y a le charisme de la voix et une audace. Ils osent, et là ça, on l'entend un peu sur volontaire, ils osent salir leur voix. C'est-à-dire ils font pas du joli. C'est pas une jolie voix, c'est pas d'avoir une belle voix. Ça je trouve que c'est intéressant. Et je trouve que la puissance de leur art, quand on l'entend, quand on est à l'écoute, vient de cette audace et de cette... Ils osent être parfois, salir leur voix. Je pense que cette question, et c'est la grande chanteuse Magdalena Kozena, qui est une grande chanteuse baroque aujourd'hui, a cette puissance aussi, parfois dans les chants de Monteverdi, d'aller salir sa voix, tout en chantant la note juste. C'est ça qui est extraordinaire. Marie-Madeleine Mervanroux. Ce qui suscite aussi chez les spectateurs, et nous avons beaucoup de témoignages concernant Sarah Bernhardt ou Gérard Philippe, des réactions extrêmement négatives. Ce sont des voix qui ont divisé les salles et les publics. Et lire les critiques négatives est aussi très intéressant. De même qu'écouter les parodies de Sarah Bernhardt est très éclairant aussi sur ce qu'elle faisait. Nous avons commencé cette émission justement en écoutant cette archive de 1903 de Sarah Bernhardt et avec l'idée que votre analyse à l'une et à l'autre nous permette d'éclairer cette archive que nous réécoutons. Phèdre de Racine, par Madame Sarah Bernhardt. C'est moi, dont les fils pour vous aider la grâce enseigner les détours. peu de soin, écoutez cette tête charmante. Ainsi, une fois assez rassurée, votre amante, compagne du péril qu'il vous fallait chercher, moi-même devant vous, j'aurais voulu marcher et faire au labyrinthe avec vous descendu. Ce serait avec vous retrouvé ou perdu. Julia Gros de Gasquet, merci. Hein, et puis merci aussi à vous, Marie-Madeleine Mervaron, parce que nous n'entendons plus l'archive de la même manière. L'élément explicatif nous permet de comprendre ce qui pourrait, dans un premier temps, paraître ridicule, voire déceptif. C'est beau, hein? C'est beau, et en réécoutant moi-même, mais parce que ça on peut, je pense que j'ai dû l'écouter, je veux pas vous mentir, mais un millier de fois. Mais on peut retrouver encore des nuances, trouver un vocabulaire pour justement entendre cette archive du côté de la musique. Comment elle travaille sur les crescendo, comment est-ce que les rythmes aussi, l'accélération sur les derniers vers de la tirade. J'ai commencé par ça, sur les mots qu'elle accentue, et donc les voyelles que l'on entend. Donc oui, c'est d'une richesse inouïe. Marie-Madeleine Mervaron-Roux, il y a dans votre carrière ce travail sur les archives sonores, mais la difficulté d'accéder aux archives sonores. Aujourd'hui, nous vivons une vraie révolution, notamment grâce au travail du site Gallica, hein, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. C'est merveilleux, on peut tout à chacun aller écouter ces vieux enregistrements. Oui, on peut aller les écouter. Il y a beaucoup de cylindres à la Bibliothèque nationale de France. On les a mis en ligne là il y a quelque temps, ça a eu beaucoup de succès. Alors, les gens les ont écoutés apparemment. Est-ce qu'ils les ont entendus? Ça demanderait tout un travail, et c'est ce travail que nous avons fait avec le site Entendre le théâtre, qui pourrait plutôt s'appeler Réentendre et réentendre et réentendre le théâtre, parce qu'il faut beaucoup, beaucoup entendre, d'abord naïvement, puis beaucoup se cultiver, pour arriver à entendre un peu le théâtre du passé, mais ça vaut vraiment la peine. C'est un plaisir inouï d'y arriver. C'est un plaisir inouï, et vous nous y aidez l'une et l'autre. Donc merci vivement, Marie-Madeleine Mervaron-Roux, et merci aussi beaucoup à vous, Julia Gros de Gasquet. Nous avons voyagé dans ces archives du passé avec votre éclairage qui nous permet de les comprendre. Mais je ne vais pas déclamer, je n'y arriverai pas, pour dire qu'il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors Anaïs, vous êtes partie à la recherche des gantières disparues du Larzac. Comme nous l'explique Philippe Artière dans son ouvrage « Le peuple du Larzac », le Roquefort n'est pas l'unique produit à avoir placé cette région sur la carte du monde. Nous sommes dans les années 30 et à cette époque, le gant « Made in Larzac » s'arrache aux quatre coins du monde. À Tokyo, à New York ou encore à Londres, le gant du Larzac fait partie du vestiaire des élégants et des élégantes. Le gant est à la mode et cette industrie locale emploie des milliers d'ouvriers et d'ouvrières, ce qui lui vaut d'occuper la deuxième place du classement national en nombre d'employés dans ses 65 usines de gants. Les hommes coupent les peaux d'agneaux, de cerfs du Brésil ou de pécari, et les femmes les cousent, les agrémentent, les brodent, les embellissent, en font des objets de luxe raffinés et très prisés. En tout cas jusqu'en 1932. Le gant français entre alors en crise, et avec lui celui de Millau, la capitale économique du Larzac. L'augmentation des taxes douanières s'ajoute à la concurrence féroce de l'Allemagne, de la Belgique, de la Tchécoslovaquie et bien sûr de l'Italie. Au fil du temps, on produit moins de gants et une grève éclate bientôt en 1935. Une grève des ouvrières du gant mémorable qui dure 5 mois, à la fin desquels elles seront licenciées sans parvenir à empêcher le déclin d'une industrie qui avait pourtant enrichi ses entrepreneurs. Ces ouvrières licenciées sont celles qui travaillaient à l'usine, qui vérifiaient la perfection du produit fini, qui ourlaient et qui emballaient les gants avant qu'ils soient envoyés dans les commerces pour y être vendus. Mais la majeure partie des femmes qui travaillaient pour l'industrie du gant mis la voix ne participent pas à ce combat pour la défense de leur emploi. 75% d'entre elles travaillaient à domicile dans leur maison familiale ou dans les fermes du Larzac. Déjà à l'époque, on souligne les vertus du travail à domicile pour celles et ceux qui la pratiquent. Il permettrait de se protéger plus efficacement contre le chômage en travaillant pour différents patrons et d'avoir davantage de commandes. Parce que les gantières à domicile du Larzac sont payées à la pièce. En 1935, ces femmes-là disparaissent. A priori, elles ne se battent pas de manière organisée pour défendre leur travail. Elles deviennent invisibles et muettes, pourtant dépourvues de leur emploi rémunéré, en dehors des tâches domestiques et de la ferme qui constituent déjà un plein temps en soi, mais sans salaire. Alors qu'aujourd'hui, le télétravail est considéré avec circonspection, quand d'un côté on salue une certaine liberté retrouvée, une souplesse appréciable, de l'autre on doute que ces avantages se vérifient pour tout le monde. Le travail à distance, érigé en idéal de mode de vie pour certains, s'avère un enfer pour d'autres avec le rapprochement de ces deux termes, souplesse et précarité, ou la souplesse de la précarité. C'est-à-dire, pour aller vraiment très vite, le retour à l'état de chasseur-cueilleur, tenu chaque jour par la nécessité de trouver les moyens de sa survie, quand les factures, elles, tombent avec une régularité mécanique. C'est moins séduisant. Pour les gantières du Larzac, leur disparition nous laisse sans information sur ce qu'elles sont devenues. L'histoire nous indique seulement les liens pauvres avec leurs consoeurs des usines et leur absence dans la défense de leur emploi, une résignation induite par l'isolement du travail à domicile, sans l'émulation collective et l'éventuelle solidarité de groupe si difficile à entretenir à distance. Les gantières à domicile disparaissent des archives et de l'histoire que l'on pourrait connaître du plateau du Larzac, ce grand désert pourtant très peuplé et plein d'histoire. Merci Anaïs Quien. Le journal de l'histoire est à retrouver sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Nasser Moussaoui, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Vudès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas, une émission dont la programmation est assurée par Maïwen Guizhou, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, Mirabeau, Hugo, Gambetta, Jaurès, la République et ses tribuns.